La rencontre. Mais revenons à nos poussins. Comme je le disais, je ne peux pas les garder. Quelques jours après leur naissance, donc, je les place confortablement dans un cageot bien aéré rempli de vieux pulls que je fixe sur mon porte-bagages et je porte les petits animaux à mon torero préféré, qui les amène à son tour à l'un de ses amis éleveurs et m'assure qu'ils gambaderont à leur aise toute leur vie. Et je le crois. Il me remercie en me donnant parfois un poulet. Peut-être que, de temps à autre, je mange un des enfants d'une de mes poules, mais je me garde bien d'y penser, et de leur dire. Ce soir-là, en revenant chez moi après avoir livré un cageot de petites boules jaunes, je jette un coup d'œil inquisiteur vers la placette arborée de la rue de la Bâtisse, malgré ma fraîche résolution de changer de chemin. Il est des moments où je manque cruellement de volonté. Personne en vue, je cède au démon de la curiosité. Je me glisse en silence, le vélo à la main, vers la place déserte. Là, j'observe. Aimé ne s'est pas trompé. Les feuilles basses des platanes, à peine jaunissantes, sont recouvertes d'écritures. J'en tire une vers moi, elle se détache et je lis. Les doux colibris verts me rappellent l'hiver, quand leurs ailes s'entr'ouvrent, aussitôt je me couvre. Puis, la tête en l'air, tordant le cou dans tous les sens, j'essaie de déchiffrer quelques poèmes sous la faible lueur des lampadaires. Je lis entre autres « Il est déjà 10 heures et comme hier, je pleure. Le vent d'été qui fait voler mes robes, morceaux d'éternité que je dérobe. » Ces micro-poèmes, tantôt gais, tantôt mélancoliques, avec pour point commun leur naïveté enfantine, me touchent au plus profond. Je m'amuse à passer de platane en platane pour en découvrir de nouveau. Leur je ne sais quoi de suranné me fait penser à mes vieux vélos, recouvert d'une fine poussière de romantisme. Bientôt, j'ai la nuque en compote, mais je poursuis ma contemplation. Je pense aux douleurs qu'a dû ressentir Michel-Ange en peignant le plafond de la Sixtine. La plupart du temps couché sur le dos, aux côtés de ses aides, le grand homme devait recevoir des giclées de couleurs diverses, la barbe constellée de petits points multicolores, tout comme mes yeux aujourd'hui se remplissent de ces petites touches poétiques qui m'éclaboussent en pétillant. Je laisse mon esprit vagabonder au son que produisent les rimes dans ma tête, me transportant encore une fois dans l'arôme de la Renaissance. Je suis Michel-Ange. Je pénètre, agacé, dans le Vatican. Jules II, le pape en fonction, m'attend pour me donner ses conseils avisés et me faire diverses critiques que je n'écoute pas, en me dirigeant directement, le nez en l'air, pour apprécier mon travail de la veille, vers les échafaudages de bois branlants à chaque pas. Je ne suis pas satisfait de la main d'Adam et je vais devoir faire des retouches. Cavolo! Les prélats de Jules II viennent me dire avec vigueur que le pape s'est déplacé dans le but exclusif de me rencontrer. Et alors? Moi aussi, je me suis transporté ici. Et sa vie ne vaut pas mieux que la mienne. C'est exactement ce que je leur réponds en les regardant à peine, sans presque quitter des yeux le plafond, puis je grimpe sur les premières planches de l'échafaudage sous les « ma » et les « ké » des prélats indignés, qui agitent leurs étoffes précieuses dans tous les sens, rajoutant effet de manche et mou surjoué afin que leur manège soit bien visible des quelques mètres qui les séparent de l'élu. En arrivant là-haut, je m'origène un apprenti qui dort comme un sonneur, la bave aux commissures. Il se réveille précipitamment pour me préparer des couleurs au plus vite, honteux d'avoir été pris en flagrant délit. Couché sur le dos, je rectifie d'un pinceau énervé la carnation du pouce et du majeur, tandis qu'un Jules II, hors de lui, me menace en hurlant de m'enlever toute commande, de me condamner à l'errance et à la pauvreté. Je m'en moque, je peins, je suis le meilleur, et le monde est au courant. Lorsqu'il évoque à plein poumon le nom de Leonardo da Vinci, ma gorge se serre, mes muscles se raidissent. Abandonnant la tactique de la sourde oreille en même temps que mon apprenti aux yeux ronds, je dévale en quatrième vitesse les étages de l'échafaudage, avant de me diriger à grands pas vers le truchement entre Dieu et l'homme. Il ricane, l'air fier de lui. Je projette de lui exprimer par des mots simples ma façon de penser. J'arrive dans ses robes, et tandis que je prends une large inspiration pour oxygéner mon cerveau, afin de lui débiter clairement un chapelet d'injures choisies, une voix s'interpose, provoquant une distorsion de ma vision romaine. Par la grâce d'un dieu, Jules II se métamorphose alors en platane. « Coucou !» Le cœur battant, ma tête en l'air vient brusquement atterrir au beau milieu de mes épaules. Tenu en joue par cette voix dans mon dos, je me retourne avec lenteur. et dans mon champ de vision apparaît une ombre qui se transforme en un bout de silhouette avant d'adopter les contours de la moitié d'un être humain qui se révèle enfin dans son intégralité sous la forme d'une jeune femme vêtue d'une robe fraîche. Elle me sourit. Elle est... comment dire ? C'est assez délicat à expliquer ce qui se passe. Elle est... Ça te plaît ? Lit-elle dans mes pensées. Bonsoir, dis-je en rougissant très fort, les yeux sur mes chaussures. Alors, ça te plaît ? Je ne sais que répondre. La seule certitude que j'ai en réalité est celle d'avoir envie de m'évaporer. Mon visage est en flamme, ma tête cogne, insiste. T'es bouché ou quoi ? Mes poèmes, ils te plaisent ? T'es en train de les lire ou je me trompe ? Ah, c'est vous qui... Oui, c'est moi qui... Bonsoir. Je respire difficilement, au bord du malaise. Oui, tu l'as déjà dit. Bonsoir, oui. Bon, laisse tomber. Tu t'appelles comment ? Mi... Mi ? Loche, avec un E. Miloche ? C'est rigolo. Enchanté, Miloche. Moi, c'est Lila. Elle me tend la main. Et comme je tiens les miennes fébrilement nouées l'une dans l'autre, d'autorité elle m'en saisit une, qu'elle serre en secouant. Elle est pourvue d'une petite paume fraîche prolongée de doigts fins, et je fais attention de ne rien abîmer. Nous nous regardons dans les yeux une pincée de seconde. Enfin, surtout elle. Tu serais pas un peu timide, Miloche ? Je dois y aller. Au revoir. Je monte avec maladresse sur mon vélo, et manquant de m'étaler, je fuis. J'entends sa voix qui me poursuit. Où tu vas ? Bah attends, Miloche ! Attends ! Attends ! Sa voix se perd en un magma indéchiffrable qui se mêle au bruit de l'air que je déplace. J'ai bientôt l'impression que des trains remplis de vide filent à contresens aux alentours de mes oreilles, et je ne vois plus rien. Le cerveau tout entier concentré dans mes jambes. Je dois ressembler à un chaton effrayé, yeux grands ouverts, oreilles en arrière tassées sur moi-même à l'affût. Je martyrise les pédales de mes pattes. Le cadre de ma bicyclette miaule de surentraînement. À un moment donné, j'arrive chez moi, grâce sans doute au pilotage automatique de mon vélo. Impossible de préciser la durée de ma course, de décrire le chemin parcouru, je ne suis sûr que d'une chose. Je me trouve devant la porte de ma maison, que j'ouvre. Je rentre, la bicyclette à la main, les jambes rythmant un twist d'une amplitude très courte, mais d'une rapidité hallucinante. Je flageole à battre des records. J'appuie ma bicyclette rougie contre la table de la salle à manger, sans réfléchir, puis je m'affale dans mon fauteuil, pantin dont on a lâché les fils. Là, je soupire longuement, privé de toute énergie, dans l'impossibilité de me concentrer sur quoi que ce soit ou de bouger un seul muscle. Puis je sombre dans un sommeil profond et agité.